Culture. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, on a quelques nouveautés comme d'habitude et on va donner le coup d'envoi de la première demi-heure avec une formation norvégienne qui a pour nom Le Proust de l'album Aphelion qui a été lancé cette semaine. Le groupe est actif depuis 2001 et son premier album est paru en 2006, Aelia. Et puis on aura aussi de Berlin, Small Tape, qui présentait en juillet dernier un quatrième album, The Hungry Heart, et dans leur com, ils sont actifs depuis 2011, un peu moins. Le premier album est paru en 2011. Et puis Marc, je pense qu'on va avoir par la suite des artistes prolifiques du côté britannique et québécois. Oui, on a la formation britannique de Deep State qui viennent de faire paraître leur troisième album cette année. Alors, il y a eu Misinformation Highway Part 1, paru en avril, Misinformation Highway Part 2, paru en juillet, et tout récemment, The Dead Are Rising. Alors, on aura une pièce de cet album, la pièce Rescue Stations. On aura également l'artiste québécois Daniel Gauthier, qui vient de lancer deux albums, donc un en anglais, intitulé Someone, et un en français, qui a pour titre Altitude 16425. Alors, on aura une pièce de l'album anglophone, Someone, la pièce de Search. Mais tout d'abord, Leprous et Small Tape. My body, my mind, my heart. always thought that I'd pull through. Now there is little left to do. It's more than I can comprehend. I promised I would make amends, make alteration in my soul. Feels like a bottomless hole. Alterations in my soul. Feels like a bottomless hole. I'm contradicting myself, searching order shall myself. Thank you. I need to feed so I can beat this sergeant's side. No other choice to tame the noise that rules my mind. The hungry wolf that blows away your heart tonight. You know you have no chance, so you better give in. We'll be right back. this emergency first began, officials were advising a full lockdown. Everyone should stay indoors and not venture out for their own safety. That situation has now changed. Civil defence and the military have organised rescue centres, providing food, shelter, medical treatment, and around-the-clock armed guards. Website for a list of rescue centres in your local area. Locate the rescue centre nearest to you and make your way to that centre as soon as possible. Are being consulted about the current state of emergency. Recently, the Explorer satellite shot to Venus, dubbed famously as a billionaire's vanity project, orbited Venus and started its return to Earth. Orbited Venus, but was purposely destroyed by NASA as it entered Earth's orbit. As scientists discovered, it was carrying a high level of unusual radiation. The satellite orbited the Earth before crashing somewhere in the Amazon. because of the obvious threat to untold numbers of citizens, and because of the crisis that is even now developing, we will continue broadcasting day and night, day and night. Thank you. street and walk along a calming sea. Alex a hâte de voir son groupe préféré sur scène. Il y a pensé toute la semaine. Il a acheté son billet, il a mis son chandail du groupe, il s'est rendu à la salle de spectacle. Il n'a pas pu rentrer dans la salle de spectacle. Il a rangé son chandail du groupe, il a acheté son billet et il y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur, faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL, communication, communication, culture, culture. De retour à Terra Incognita, on va amorcer la prochaine demi-heure avec une formation qu'on peut qualifier de métal progressif, la formation britannique Tesseract, un groupe qu'on entend de plus en plus parler, qui vient de lancer cette semaine son cinquième album studio qui a pour titre Portals. On aura aussi, on parlait tantôt de Daniel Gauthier, et on va avoir maintenant un extrait de son album français. Daniel vient de lancer deux albums coup sur coup, et un en anglais, un en français, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Daniel est un musicien persévérant. Son dernier disque remontait à 2008, donc il y a 13 ans, c'était The Wish. Et puis on avait avant, 8 ans plus tôt, Above the Storm, paru en 2000. Et En ce jour et pour toujours, en 1997, c'est un musicien qui ne lâche pas son bout facilement, et très sympathique d'ailleurs. Et puis Marc, je pense qu'on va avoir un petit peu de psychédélique, entre autres, poursuivre. Oui, c'est l'artiste américaine Bonnie Cosby qui va faire paraître le 1er octobre son album Virginiana. Alors, elle est justement de la Virginie, aux États-Unis. Et on a donc un extrait de cet album-là, Midnight Man. C'est une multi-instrumentiste. Elle fait les chants, la guitare, elle joue de la scie musicale, entre autres, et du violon. Alors, on aura également l'artiste Deck Burke, une seconde pièce de son nouvel album, Life in Two Dimensions, qui va paraître aussi bientôt. Et donc, Deck Burke est fondateur de Darwin Radio également. Fait partie de la formation Frost. On aura donc la pièce Trapdoor, mais tout d'abord Tesseract et Daniel Gauthier. Oh, Dans des décors de belles saisons, ne plus jamais. jamais y retourner. Quand dehors à terre, le fond des choses, il ne suffit plus de penser, car il te reste sur les lèvres un goût de rêve irréalisé. Et plus je me demande où j'ai laissé mes souvenirs, accroupis au bord des fenêtres. Plus rien n'existe que dans ma tête, et les feuilles courent dans les rues. Comme leur couleur, je suis perdu. Je ne sais plus où mener ma barque. Et sous mes pieds, la glace qui craque. Les hommes sont fiers de leurs trophées, tantôt de fer, tantôt de chair. Ils sont si fiers de pavaner tant de valeurs payées trop cher. Et quand le regard de mes pieds sur mon corps affaibli, je voudrais enlever les voiles, nous voir enfin derrière le mal. Thank you. Hi, it's Dak Burke, and you're listening to Terra Incognita, direct from Quebec City. Sometimes I see Thank you. Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie. Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir. Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL 89.1. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel et Marc. Alors, pour le troisième bloc musical, on aura la formation argentine Nexus, tirée de leur plus récent album, qui date déjà de 2017, l'album En el comienzo del Topos Uranos. C'est leur sixième album en carrière. Ils ont fait d'excellents albums à partir de 1999. Donc, on aura la pièce El Último Día. Également, un petit retour en arrière avec la formation néerlandaise Nice Beaver. Et ce sera un extrait de leur premier album, paru en 2001, l'album On Dry Lands. Et c'est une formation qui ont fait trois albums. Leur second, Oregon, était paru en 2004. Ensuite de ça, ça a pris 11 ans avant leur retour sur disque avec The Time It Takes, paru en 2015. Alors, de cet album, on aura la pièce Where the River Runs. Mais tout d'abord, une belle formation norvégienne, Curse Pink, qui ont une longue feuille de route derrière eux et qui ont fait un beau retour sur disque cette année avec l'album Presence of Life, qu'on a présenté à plusieurs reprises, Michel. Oui, c'est vrai, on a présenté des pièces à plusieurs occasions. Et même, on a eu le plaisir de présenter en mars dernier un spécial d'une heure sur cette formation norvégienne avec la collaboration du guitariste Harald Littomt, qui est le seul membre fondateur à être encore présent. Et bien évidemment, le spécial, c'était pour souligner le lancement de Presence of Life, qui survenait 8 ans après celui de Mystic Spirit, le sixième album. Donc, Presence of Life est le 7e album studio de cette formation norvégienne. Et puis, ben, on va vous présenter un extrait, en quelque sorte, de cette émission spéciale. On va avoir des commentaires, des présentations de Harald. Et on y va avec Curse Pink. Our new album, Presence of Life, was released in March this year and have the same members as Mystic Spirit, in addition of one more keyboard player and guitarist. Curse Pink still including the vocalist Eirik Haugsson, who has made a very valuable contribution to the album. Let me present Away from Shadows from the new album Presence of Life.

Vous écoutez présentement l'émission Terra Incognita avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Tell me again, my friends, tell me objections don't apply, 'cause I don't understand. Tell me again, my friends, tell me objections don't apply, 'cause I don't understand. Show me the diagram, show me the numbers one more time, 'cause I don't understand. Where does it say we come? Show me the chapter and the verse, 'cause I don't understand. Explain it in layman's terms. Mention the treaty or the law, 'cause I don't understand. Could it be wrong? We waited all this time. Where was the point of no return? Open the lines again. Where can I send the money to? 'Cause I don't understand. Tell me it's for the best. Say there is no cause for concern, 'cause I don't understand. Could it be wrong? We waited all this time. Where was the point of no return? Could it be true? Just blind, was it error? Elisabeth, arrête. Le monde se fout de toi, ni plus, ni moins. Ton univers ne changera pas. Salut, ici Jason Bajada. Écoutez ma chanson Elisabeth en diffusion à CKRL 89.1. Laurie a hâte de célébrer son anniversaire au resto. Elle y a pensé toute la semaine. Elle a invité ses amis. Elle a acheté une nouvelle robe. Elle s'est rendue au resto. Elle n'a pas pu rentrer dans le resto. Elle a dû ranger sa nouvelle robe. Elle n'a pas pu voir ses amis. Et elle y a pensé toute la semaine. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. CKRL, communication, culture. Pour la dernière demi-heure de l'émission, je vous propose un voyage en rock progressif de style Canterbury avec la formation italienne Homunculus Res. C'est un quintet formé en 2013. Ils ont 4 albums à leur actif, le plus récent étant paru en 2020. Alors là, on aura une pièce de leur second album, Come si diventa ciò che si era, paru en 2015, qu'on pourrait traduire par « Comment devenez-vous ce que vous êtes ?» On aura une longue pièce, une longue épopée, Ospedale Civico, qui signifie l'hôpital civique. Alors, sur cet album-là, il y a plusieurs invités italiens, mais également des invités français, dont les deux membres du groupe Alco Frisbass, également le musicien britannique Regal Worm, sur 2 pièces. Et vraiment, un album que j'aime beaucoup. Je pense que c'est aussi, Michel, un groupe que t'aimes beaucoup. Oui, j'apprécie beaucoup cette formation sicilienne, et tu t'as choisi un extrait du second album, qui est probablement un de mes préférés avec le plus récent. Et puis, ben, un groupe que j'ai beaucoup aussi aimé interviewé pour le livre Rock Progressivo Italiano volume 2 publié par Terra Incognita. Et on y va, ben on y va avec on en parle, on va l'écouter en Homunculus Res.

Ce soir, pour conclure l'émission, on va vous présenter une nouveauté ancienne. Oui, un album en concert. Le concert est un concert de 1973 du groupe Nectar, mais c'est seulement le 1er octobre 2021 que ce concert voit le jour officiellement, sous le titre de Songs Like Swiss. Donc, c'est une nouveauté pas récente, mais vous avez compris. Sur ce, écoutez, je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute qui va suivre dans quelques instants. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. C'était Marc Chaunet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. Et bonne nuit à l'écoute de CKRL. Thank you.